j'en ai marre de ce mariage. C'est lui qui peut me sauver, qui vienne au maman. Je suis mariée depuis 2 ans. Tout ce que je demande, mon mari ne me donne pas. Je suis dépassé par ses caprices. Il ne m'a jamais jalousé malgré mes tentations. Je suis dépassé par ses caprices. Il ne m'a jamais tapé malgré mes provocations. Je me présente que je suis sa femme de la maison. Oh. Mon mari ne me sort jamais. Il ne m'a jamais présenté que je suis sa femme de la maison. Mettez-vous à ma place. Oh. Dites-moi quel est le bonheur d'une femme dans ce mariage. Dites-moi. Oh. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Mettez-vous à ma place, oh. Dites-moi quel est le bonheur d'une femme, oh, dans un mariage. Dites-moi, oh, dites-moi, dites-moi, dites-moi. Thank you. Tout ce qu'elle voulait, je lui donnais. Tout ce ce qu'elle demandait, je lui donnais. Elle a préféré s'en aller pour me faire souffrir. Elle a préféré s'en aller pour me faire souffrir. Valentina Valencia, oh ma bisou. Valentina Valencia, tu m'as déçu. Divorce. mabise o na joli divorce. Attendez-le, attendez-le. Yeah. Ayomikum, welcome, Olufemi, welcome, welcome, Aramide, welcome, Mama. Abimbo, je t'ai choisi au nom de tous les dieux, au nom de tous mes ancêtres, comme la mère de mes enfants. Abimbo, je te l'avoue, je t'aime encore trop, depuis que le ciel nous a donné le fruit de notre amour. Bienvenue Olufemi, bienvenue Aramide. Welcome, Olufemi, welcome. Olufemi, welcome, Aramide, welcome, Mama. Zayo, Olufemi, Baba Jimmy, Olamiko. Welcome, Olufemi, welcome. Welcome, Aramide, welcome, Mama. Kainde, Aramide, Ayomikum. Welcome, Olufemi, welcome. Vivons à tes côtés, élevons nos enfants, préparons leur avenir. Bienvenue au Olufemi, bienvenue à Aramide. Welcome, Olufemi, welcome. Olufemi, welcome, Aramide, welcome. Welcome, Olufemi, welcome. Aramide, welcome, Aramide, welcome. Avoir une famille, c'est la seule richesse pour un homme. Avoir les enfants, c'est construire l'avenir d'une nation. Africain avant. Avoir les enfants, c'est le seul bonheur ici-bas. Avoir une famille, c'est la seule richesse pour un homme. Avoir les enfants, c'est construire l'avenir d'une nation. Africain avant. Abimbola, omo omo la rocha. Abimbola, loya. Abimbola, adao. Mama ibeji, mama ijire. Baba ibeji, mama ijire. Abimbola, omo afodu. Abimbola, omo omo la rocha. Abimbola, loya. Abimbola. Baba ibeji, mama ijire. Abimbola, omo afodu. Abimbola, omo la rocha. Abimbola, loya. Abimbola, adao. Mama ibeji, mama ijire. Baba ibeji, mama ijire. Thank you. Après une famille, c'est la seule richesse pour un homme. Après les enfants, se construit l'avenir d'une nation. Afrique en avant. Après les enfants, c'est le seul bonheur ici-bas. Après une famille, c'est la seule richesse pour un homme. Après les enfants, se construit l'avenir d'une nation. Abimbola Loya, Abimbola Adrao, Mama Ibeji, Mama Ijire, Baba Ibeji, Mama Ijire, Abimbola Omo Afodu, Abimbola Omo Modarosha, Abimbola Loya, Abimbola Adrao, Mama Ibeji. La Bayana, la Bayana. Mobembo, mobembo, oyo suka bolosie. Mobala kende tumba ya la vie, mwasi abande tumba ya makali sina maina miso. Chéri, meje, ose la kanga. Mobembo, mobembo, oyo suka bolosie. Mobala kende tumba ya la vie, mwasi abande tumba ya makali sina maina miso. Chéri, meje, ose la kanga. Oyo nde libandelio, ya histoire ya mour na biso, to résiste kaka mokeo, traversant cette période. Meje oh, meje oh mama, makila mazoto matambole, atela yanga monte mao, na bele lao, monsika nanake. Meje oh, meje oh mama, makila mazoto matambole, atela yanga monte mao, na bele lao. Na bele la o musika galake. Belela o musica. Je peux je peux pas digérer. La nourriture a séparé notre Keba mama, Keba, mais j'ai mama, Keba mama. Et je peux pas supporter. Je peux pas digérer. Je peux pas supporter. Je peux pas digérer. Keba.